La coopérative de camionnage de Saint-Félicien aimerait souhaiter à Marianne Saint-Gelais et Cassandra Bradette de Saint-Félicien la meilleure des chances pour les Jeux de Pyeongchang. La coopérative de camionnage de Saint-Félicien est un employeur important dans le comté puisqu'il possède des chargeurs de bois. Les bureaux de la coopérative de camionnage de Saint-Félicien, situés au 905 Boulevard Hamel, numéro de téléphone 418-679-4194. Bonjour, ici Martial Bouchard, directeur général de la Caisse Desjardins du Domaine du Roi. Le personnel et les dirigeants de la Caisse sont honorés de supporter nos athlètes locales Cassandra Bradette et Marianne Saint-Gelais aux Jeux olympiques d'hiver 2018 à Pyeongchang. Suivez leurs exploits ainsi que ceux de tous nos Canadiens du 9 au 25 février 2018. Cassandra et Marianne, deux grandes fiertés, des exemples de détermination pour notre collectivité et une preuve tangible qu'il est permis de rêver. Desjardins, partenaire incontournable de tous vos projets. On va parler de patinage de vitesse sur courte piste. On vient de parler avec Isabelle Poteau, qui a été une des premières entraîneurs de Samuel Girard. Mais là, on va parler de la performance de Marianne Saint-Gelais et Samuel Girard et Kim Boutin. On en parle avec Nathan Alice pour les Jeux olympiques, Caroline Truchon. Salut Caroline! Bonjour! Caroline, Je suis déçu un petit peu pour Marianne, encore une fois. T'sais, je la connais, Marianne, je l'ai même connue avant qu'elle soit une vedette. Fait que ça fait longtemps que je la suis. Maudit, j'aimerais ça qu'elle termine au moins avec une médaille aux Olympiques, parce qu'elle est revenue à cause de Sochi. Là il reste le 1000 mètres. Ah ouais, moi aussi, je suis déçu. C'est des bad luck qui lui arrivent jamais en plus, là. De la façon qu'elle est tombée samedi, puis moi aussi, là, j'y souhaite tellement d'avoir des bons résultats là, au 1000 mètres, parce que, tu sais, on n'a pas vu vraiment là, qu'est-ce que Marianne Saint-Gelais est capable de faire là, au 500, dès les quarts de finale, elle l'a même pas coursé, après ça, elle a tombé trois tours à faire, là, crime, j'y souhaite vraiment là, qu'au 1000, là, on puisse voir vraiment de quoi elle est capable, puis qu'elle puisse au moins là, pour elle-même là, montrer qu'elle est allée jusqu'au bout. Là. Parce que là, c'est une médaille, ça va être sa dernière présence aux Olympiques de toute course confondue, parce que on sait déjà qu'elle va prendre sa retraite. Donc, est-ce que ça peut y ajouter de la pression supplémentaire, le fait qu'elle n'a pas performé? Puis on sait qu'elle est revenue, elle a fait un autre cycle de 4 ans parce qu'elle voulait faire oublier Sochi. Ouais, ben c'est sûr que on peut le voir de la façon que ça peut mettre de la pression, parce que justement, bon là, il en reste une, puis crime, faut pas que je me plante, tu sais. Mais en même temps, il y a le relais demain, puis je pense que si les filles peuvent aller chercher une médaille demain, ben là, ça va peut-être enlever un peu de pression, puis ou tu sais, Marianne, elle a fait beaucoup de chemin le niveau mentalement, puis est capable de retourner cette pression-là en du positif, puis que ça soit pas trop stressant. OK. Donc, on va suivre ça de près dans le cas de Marianne. Kim Boutin. C'est une belle prestation pour Kim Boutin, encore une fois. Médaille de bronze. Elle, c'est un peu comme Samuel Girard. Hein. C'est... Ils sont même pas en termes de sport à leur prime, à leur peak, là, puis ils gagnent déjà deux médailles. Donc... c'est vraiment intéressant pareil pour les deux, là. Autant Samuel Girard que Kim Boutin. Ah oui, Kim, là, c'est incroyable, là. Surtout après tout ce qui s'est passé là, après la première médaille de bronze, les messages haineux des fans coréens. Kim, elle a eu une équipe incroyable autour d'elle, là, de la couper du monde extérieur, de la garder dans sa bulle pendant 4 jours, puis de revenir sur la glace, puis offrir une performance comme ça, là, pour moi, cette médaille de bronze-là, elle vaut de l'or, là. Parce que la force mentale qu'elle a eue, là, c'est incroyable. Valérie Matin, elle, auparavant, c'est sa force à 1500 mètres, n'a pas fait la finale, n'a même pas fait la demi-finale. Valérie, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est ses blessures, son accident, le fait qu'elle s'entraîne à en longue piste, elle a déjà couru. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas de Valérie? Elle a plafonné, hein? C'est-tu ses blessures? Ben, tu sais, Valérie, elle s'est quand même rendue en demi-finale. Puis il faut aussi voir la demi-finale qu'elle avait. Il y a la médaillée d'or et la médaillée d'argent qui ont été dans sa demi-finale, en plus de la championne du monde. Ouais, c'est sûr que la vague est... Fait que déjà, en partant, là, elle a fini quatrième dans sa demi-finale. Elle a été pénalisée. J'ai pas vu l'infraction. Mais, tu sais, je veux dire, Valérie, elle a quand même fait une super de belle course. Elle s'est battue jusqu'à la fin. Puis je pense qu'elle a juste pas été chanceuse dans la semi-finale qu'elle a eue. C'est sûr qu'elle a peut-être pas eu la meilleure préparation à cause qu'elle a eu une entorse à la cheville tout de suite en arrivant au jeu. Mais faut pas la négliger non plus au 1000 mètres parce qu'on se rappelle qu'il y a 4 ans, Valérie est en demi-finale. Elle s'en allait en finale, puis elle est tombée au dernier virage à Sochi. Donc, je pense qu'elle peut très bien se reprendre au 1000 mètres. Je pense pas que ses jeux soient finis. C'est sûr que ben c'est ça, comme j'ai dit là, la préparation ça l'a peut-être joué aussi un petit peu mentalement, puis elle est peut-être arrivée un peu sur la glace, tu vois, de savoir mal à la cheville ou pas, mais tu sais, il faut aussi voir que dans la demi-finale là, il y avait la médaille d'or puis la médaille d'argent. Ah ouais, c'est sûr, c'est sûr que la vague n'aide pas non plus, hein. Ça l'a pas aidé. Comment tu vois la course de demain, 3000 mètres? Ça va être une course difficile. Les filles ont des très bonnes chances de médaille. Mais il va falloir faire attention aux Italiennes qui sont aussi dans la finale, qui sont très fortes. Surtout Arianna Fontana, dans les 2 derniers tours, si elle est pas trop loin, elle est très dangereuse. Mm. En même temps, c'est sûr que la Corée et la Chine vont se battre beaucoup ensemble. Depuis les 3 derniers jeux, il y a toujours eu une disqualification en finale chez les filles. Mais les Canadiennes sont aussi capables de rivaliser avec les Coréennes puis les Chinoises. Ils l'ont fait cette année. Ils étaient premières, il restait un tour. Donc, s'ils ont une bonne stratégie, puis si tout est bien aligné, là, je pense qu'ils peuvent rivaliser pour plus qu'une médaille de bronze. La foule va être très, très... La foule est très partisane là-bas. Hey, je suis en train d'oublier quelque chose, Caroline. Oui. L'histoire là, de Kim Boutin, les menaces de mort, là. Pour donner le focus sur Kim pour la compétition, est-ce que l'équipe canadienne a dû faire appel à un psychologue? Sûrement, hein? Ben, ils ont un préparateur mental qui sont avec eux depuis le début des Jeux. Son nom, c'est Fabien Abéjean. Il travaille avec eux tout au long de l'année. Donc, il était déjà sur place. Donc, c'est sûr que ça a été un très gros plus. Mais en même temps, Kim, elle n'avait déjà pas accès à ses réseaux sociaux. C'était déjà quelqu'un d'autre qui gérait ça. Donc, elle les a pas vus en tant que tels, les messages. C'est juste la vague qu'il y a eu autour. Puis là, ils ont décidé, parce qu'elle n'a pas donné d'entrevue après sa médaille. Elle n'a pas donné d'entrevue non plus après les journées d'entraînement. Donc ça aussi, ça a certainement dû aider d'être un gros plus, de pas toujours se faire demander puis comment tu prends ça, t'sais. Fait que c'est sûr que le travail de l'équipe de soutien là-dessus a dû être extrêmement important et a été exceptionnel parce qu'on voit que ça a donné des très bons résultats. Ouais, effectivement, c'est. Mais d'ailleurs, Marianne, on la voit souvent sur les médias sociaux. Puis moi, je t'ai mis Facebook avec elle, puis je l'ai commenté. Puis normalement, une affaire comme ça, elle aurait liké, comme on dit, là, puis elle l'a pas liké. Mm-hmm. Probablement qu'elle n'a pas accès à son Facebook, là, d'après moi. Non, c'est ça. Marianne aussi, elle a coupé, c'est son agente là, qui gère ses pages Twitter, ouais, Facebook. Là, donc, elle non plus, elle n'a pas accès. Ouais. C'est des choix. Je veux dire, il y a des athlètes qui l'ont. Je veux dire, par exemple, moi, je parle beaucoup avec Pascal Dion qui est là-bas en ce moment. Tu sais, c'est sûr que lui, il n'est pas aussi affiché. Tu sais, il est moins connu un peu, donc pour c'est lui... un peu comme Cassandra ici, pour les gens du Québec. C'est ça, c'est chacun voit comment qu'il veut gérer ça. Puis finalement, tu sais, je veux dire, il y en a... Kim, ça a été une très bonne décision là, de se concentrer vraiment juste sur le patin. C'est un peu comme Cassandra Bradette, qui n'est pas très connue au Québec, mais ici, on la connaît parce qu'elle vient de Saint-Félicien. C'est un peu la même affaire. Là, fait que... Ouais. Ouais, effectivement. Caroline, gros merci. Hey, en terminant, je veux te parler du long piste. Est-ce que t'es à l'aise pour parler un peu du long piste? Oui. Ce qui s'est passé avec le Canadien qui a remporté, c'est jeudi, vendredi, un record olympique, là. Est-ce que ça, c'est de bon augure pour, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça, là. Je pense que c'est Gaétan Boucher la dernière fois. Ouais, je pense que oui, là, la dernière médaille d'or, ça fait. Je sais pas exactement c'est qui, mais je sais que ça faisait quand même très longtemps. Oui. Puis est-ce que ça va donner de l'essence aux jeunes, peut-être, hein? Ah, ben c'est sûr que, tu sais, les médailles d'or, ils passent pas inaperçus, donc c'est sûr que les jeunes vont dire comme, hey, crime, longue piste, c'est le fun. Surtout qu'en plus, là, on va avoir un anneau couvert à Québec dans quelques années, là. Ils ont déjà commencé ou commencent dans les prochains jours la construction. Donc, c'est sûr que quand les sports gagnent des médailles, ça donne de la visibilité, puis ça inspire aussi les jeunes. Comme Ted qui a gagné la médaille d'or aux 10 000 mètres, là, c'était vraiment incroyable. Là. On s'attendait tous que ce soit le Néerlandais qui gagne. Finalement, il n'y a pas eu une bonne journée. Donc, Ouais. En tout cas, c'est pas mal intéressant. On s'en reparle demain. L'idée, Caroline, c'est de te parler dès que Marianne et Cassandra sont en piste. Donc, on se parle demain. Parfait. Donc, voilà, Caroline Truchon, notre analyse de passage de vitesse sur contre-piste durant les Jeux olympiques.